Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a inspecté la base avancée de l'île de Kali à l'extrémité sud des parages du front sud-ouest et la troupe de défense de l'île de Changzhi, en compagnie du sous-maréchal de l'armée populaire de Corée, Pham Byung-so, chef de la direction politique générale et d'autres cadres responsables de l'armée. Il a visité d'abord, malgré les hautes vagues, la base avancée de l'île de Kali, située à l'extrémité sud des barrages du front sud-ouest, tout proche de l'île de Yeonpyeong, repère des soldats de l'armée fantoche sud-coréenne. Il a fait le tour de la caserne, de la salle d'éducation, de la cantine et des serres, et affirmé que les commandants sont tenus de veiller affectueusement sur les militaires, comme les parents qui pensent devant un mets particulier à leurs enfants avant tout, et qui se soucient de leurs enfants même à une baisse de la température, qu'il faut faire de sorte que des mesures prises par le parti produisent leur effet pour qu'ils mènent une vie sans rien envier. Il a donné ses instructions pour l'amélioration de la vie des militaires des postes insulaires et accordé ses bienfaits. En suivant une pente abrupte, il a visité le poste d'observation. En dominant l'île de Yeonpyeong, il s'est renseigné sur la disposition des effectifs et des matériels et la situation des ennemis, et informé en détail de la disposition des effectifs et des matériels de la base avancée de l'île de Kali, nouvellement mise sur pied, et de l'état de surveillance des troupes du 4e corps d'armée dans les eaux du front. De la part du chef de la direction d'artillerie Park Chung-chun, il a reçu le rapport sur la répartition du devoir de frappe des cibles de l'île de Yeonpyeong par les unités d'artillerie du front sud-ouest, y compris la base avancée de l'île de Kali, et ratifié un document de combat sur le plan de frappe de l'île de Yeonpyeong élaboré à nouveau. Après avoir fait le tour des positions de combat, il a estimé qu'elles sont bien aménagées conformément au projet opérationnel du commandement suprême et que tout est satisfaisant. Et il a avancé des tâches de programme posées pour les préparatifs de combat et le renforcement de la combativité de la base avancée de l'île de Kali, surtout pour consolider davantage les barrières côtières, perfectionner le système d'observation et intensifier la surveillance de l'île, adopter une nouvelle et originale méthode de combat d'artillerie insulaire, prendre toutes les mesures en vue d'une suffisante communication nécessaire au commandement de tir au canon, bien collaborer avec des troupes de défense insulaire voisines pour le tir au canon et organiser bien le commandement de façon à assurer l'accord, l'ordre et la rapidité des frappes contre des cibles ennemies. Le camarade Kim Jong-un a exprimé la certitude que les commandants et les militaires de la base avancée de l'île de Kali défendront au risque de la vie le poste à l'extrémité sud des parages du front sud-ouest de la patrie socialiste, toujours conscient qu'il y a leurs chers parents et frères derrière l'île de Kali, île de la patrie plus précieuse que la vie. Sur le chemin de retour, il a visité de nouveau la troupe de défense de l'île de Changzhi, largement connue dans le monde, avec la légende révolutionnaire de Sun-gun de notre parti. Le camarade Kim Jong-un, qui prenait une à une les mains des enfants, en répondant chaleureusement de sa main aux acclamations des militaires et des familles de militaires, a reconnu Tong Hwan-myung. Il a caressé tendrement ses joues en disant qu'il l'avait embrassé quand il était âgé de 6 mois et qu'il a grandi beaucoup. Et il a regardé avec un large sourire les dessins de la fille du chef de la troupe de défense. Le camarade Kim Jong-un s'est intéressé avec l'amour paternel à la vie des militaires en faisant le tour de la caserne, de la salle d'éducation, de la salle de bain, de la cantine, des serres et étables. Il a déclaré que qui dit l'amélioration de la vie des militaires dit les préparatifs de combat et d'agité. Comme je l'insiste souvent, les commandants doivent ne pas oublier qu'ils existent pour les soldats et faire tous les efforts pour eux. Si les commandants veillent sur les soldats, ces derniers n'auront pas froid même en hiver. Si les commandants les entourent d'un amour paternel, ils se sentiront rassurés même s'ils se trouvent dans les parages du front, tout proche de la position ennemie. Il a demandé en détail le ravitaillement pour les militaires et accordé un bienfait inoubliable après avoir dit que la troupe de défense doit elle aussi faire la pêche pour les aliments subsidiaires. Le camarade Kim Jong-un a affirmé « Il faut affronter les ennemis avec le feu et aussi avec la pensée et la conviction. Il faut donner beaucoup de nourriture spirituelle pour former les militaires de la troupe de défense en fort de la mentalité qui n'abandonne jamais la foi révolutionnaire, en défenseur du socialisme sur la première ligne de la lutte de classe et en vaillant combattant pour la réunification de la patrie. Les militaires doivent écouter tous les jours la voix du parti à l'aide du système de transmission des informations par ordinateur et apprendre des connaissances générales. Il faut envoyer des livres de référence et davantage de livres d'éducation pour permettre d'implanter parfaitement l'ambiance studieuse à la manière des partisans. Tous nos efforts doivent être concentrés pour former les militaires en hommes bien compétents qui ont de larges connaissances et une bonne formation culturelle. En regardant dans un large sourire le panorama de la troupe de défense de l'île de Zhangzi, le camarade Kim Jong-un a dit avec joie que c'est beau comme un tableau de peinture, que le milieu environnant est bien aménagé, que les dortoirs et les maisons d'habitation construits avec tant de soin grâce au parti sont entretenus de façon propre. Ensuite, il s'est exprimé très satisfait en disant qu'il a donné l'ordre de choisir des arbres et tapis végétaux conformes aux conditions climatiques et pédologiques pour couvrir l'île de la verdure lors de son inspection de la troupe de défense en août 2012, qu'il voit bien qu'on a planté avec soin entre-temps, que l'île de Zhangzi a changé d'aspect et que l'île de Zhangzi qui laissait voir des espaces de terre rouge est devenue verte. Au poste d'observation, il a écouté le rapport détaillé sur la situation ennemie et le rapport sur l'accomplissement du devoir de combat de la troupe de défense. Et en faisant le tour des positions de tir, il s'est renseigné sur les préparatifs réguliers pour la mobilisation des armes, des équipements techniques et matériels de combat. Il a trouvé que la troupe de défense entretient bien et normalement les équipements techniques et matériels de combat, y compris les canons, et que la troupe de défense connue dans tout le pays est vraiment appréciable. Et il a fait remarquer que les militaires doivent tenir à l'arme comme à la prunelle de leurs yeux, en considérant leurs armes, équipements techniques et matériels de combat, comme compagnons d'armes avec qui ils doivent partager vie et mort dans les jours de combat, et que l'arme reflète la haute fidélité des militaires à la patrie et au peuple, au parti et à la révolution, et leur conscience pure. Il a estimé très importante la mission de la troupe de défense de l'île de Zhangzi, et donner ses instructions pour perfectionner les préparatifs de combat de la troupe de défense de l'île de Zhangzi, notamment pour inviter les commandants à s'imprégner des méthodes de combat d'artillerie originale de notre parti et à améliorer davantage la capacité d'organisation et de commandement des frappes nécessaires à un combat réel, fortifier davantage les positions de combat et camoufler bien en pensant à un combat réel, et être fin prêt en permanence pour les frappes puissantes conformément à la demande de la situation en évolution rapide et de la situation au front. Le camarade Kim Jong-un a exprimé la certitude que les militaires de la troupe de défense de l'île de Zhangzi suivront fidèlement la direction du parti sur la révolution de Sun Gun et a fait don des jumelles et d'un fusil automatique avant de se faire photographier en souvenir avec l'ensemble des militaires et des familles de militaires de la troupe de défense.